vie est une toupie donc elle tourne. Tourne, tourne. On sait jamais tout dit donc moi je tourne en rond. Tourne en rond, tourne en rond. La vie est une toupie donc elle tourne. Tourne, tourne. On sait jamais tout dit donc moi je tourne en rond. Tourne en rond. Allez c'est parti mon ami, à mon avis trop rapide. Prends du recul trop naïf, mon rap est ma thérapie. Reste à terre, on t'est radis, on passe à l'autre, on verra. Oui le roi est mort, on leur a dit qu'on finira prince de la ville. Peur du vide, tombé du nid, angoissé par l'épidémie. Ma maladie, la musique, une feuille en forme d'origami. Entraîner son tatami, son label, ni académie. Acharné dans le travail, de cette manière je combats l'ennemi. La vie est une toupie donc elle tourne. Tourne, tourne, on sait jamais tout dit donc moi je tourne en rond. Tourne en rond, tourne en rond. La vie est une toupie donc elle tourne. Tourne, tourne, on sait jamais tout dit donc moi je tourne en rond. Tourne en rond. Top départ, t'as pas l'épaule indépendant et full support. Une pile chargée qui décrit, a crié ma modestie. Non j'ai pas trouvé d'esprit, me voir pleurer de compliments. Je sais qu'on peut vite partir, finir, oui sous le continent. On prend juste soin de la mine, un peu de weed entre les nuls. Mon inspire un tsunami, c'est voir tous ces mots qui s'envolent. Tous ces thèmes que l'on sublime, juste avant le dernier soupir. On veut voir la fin du film, avec où sont les sous-titres. Souris, je t'en supplie, remplis ton cœur à tout prix. Le temps n'a pas de répit, on aurait pu connaître pire. Le sang est une pharmacie, en cas de plaie on dit merci. S'il te plaît dit-on monsieur, chaque morceau est un missile. On sait jamais tout dire, donc moi je tourne en rond. Moi je tourne en rond. Tu m'as jamais tout dit, donc moi je tourne en rond. Allez tourne.